Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Ben, les Saguenay de Chicoutimi ont joué pour 500 au cours de la fin de semaine. Vendredi, dans un match âprement disputé, ben, les Saguenay ont perdu 3-2 contre les Cataractes de Shawinigan en prolongation. Nicolas Roy et Frédéric Allard ont marqué les buts. Et hier, devant son futur patron Ron Extall, Jeremy Rutsoff en a mis plein la vue. Rutsoff qui a marqué un but et a massé une passe pour aider les Saguenay à blanchir les Olympiques de Gatineau 4-0. Joey Ratel a réussi un doublé et notons aussi que Olivier Galipeau a aussi marqué. Du côté des Cataractes de Shawinigan, ils ont gagné 3-2 sur le Drakkar de Baie-Comeau. Samuel Girard a compté un but et a massé une passe dans la rencontre. Du côté des Marquis de Jonquière, ils ont gagné en fin de semaine contre la Pocatière par le compte de 4-1. Hugo Charpentier a marqué un but et a massé deux passes. Il y a Huron Kolnick, un but. Benoît Graton, un but devant Yann Poirier. Il y a les Marquis de Jonquière qui ont gagné 6-1 sur l'Association de Tetford. Ça s'est déroulé également en fin de semaine. Kolnick a marqué deux buts et a amassé une passe devant Yann Poirier qui a marqué deux buts. Christian Ouellette a pour sa part amassé un but et deux passes. Benoît Graton a également fait bouger les cordages de la rencontre. Trois passes pour Stéphane Chaput. Maintenant, parlons de la Ligue junior régionale. Les Sabres de Roberval sont inclinés en huitième de finale dans un tournoi qui s'est déroulé à Shawinigan. Ils ont battu les Harfans de Beauport par le pointage de 4-3. Ligue midget régionale, le Marcos Pop de Saint-Félicien a remporté deux victoires dans leur voyage sur la Côte-Nord. D'abord, vendredi, le Marcos Pop ont perdu 3-2 contre les Basques de Sept-Îles. Et samedi, le Marcos Pop a gagné 7-1 sur les Vikings de Baie-Comeau. Et ils ont gagné également 5-1 sur les Basques de Sept-Îles. Ligue Bantam Régionale, les Rapides de Beaumont-Sessy ont écrasé les Ambassadeurs de Chibougamau 15-1 et 10-2. Et ils ont également battu les Marquis de Jonquière 5-1. Du côté des Hurricanes de Mastouillache, ils ont gagné sur le National de la Baie 7-1. À la ronde Novice Atome de Roberval en fin de semaine, les Voltigeurs Gris ont gagné 7-2 sur les Faucons. Et en Novice B, le Royal a blanchi les Sabres de Roberval 4-0. Parlons maintenant du côté d'athlétisme. Alex Bussière était en fin de semaine en compétition. Bussière qui a amassé la première position, voilà, 4 fois 800 mètres avec un chrono de 7 minutes 45 secondes. Deuxième au relais 4 fois 400 mètres avec un chrono de 3 minutes 20. Et dans le 600 mètres, il n'a pas participé à l'événement. Donc la prochaine compétition pour Alex Bussière aura lieu à Boston très prochainement. Et au curling, au niveau junior, ben, l'équipe de Christopher Gagnon a remporté son premier tournoi au cours de la fin de semaine. L'équipe de Beaumont-Sessy a défait la formation de Lennoxville 5-4. Il tirait de l'arrière 4-1 après 5 bouts. En demi-finale, la formation de Christopher Gagnon avait défait Laval 7-3. Le sport local et régional, à DanRadioSport.com.